cette année, le prix Nobel de médecine a été accordé à trois chercheurs, Michael Rosbach, Jeffrey Hall et Michael Youn, pour leurs travaux sur les mécanismes moléculaires de l'horloge circadienne cellulaire. C'est bien que nos rythmes chronobiologiques sont au centre de toutes les attentions, et ce depuis quelques années. Et pour cause, on retrouve un désordre chronobiologique dans un certain nombre d'affections très distinctes, et l'ajustement des thérapies, notamment en oncologie, en fonction de l'heure du jour ou de la nuit, permet de diminuer notoirement la toxicité de certains médicaments. Sommes-nous donc à l'orée de l'avènement de la chronomédecine ? Chronothérapie, une médecine en temps et en heure, c'est le problème que nous allons examiner dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à l'influence de l'horloge sur notre organisme et ses dérèglements, nous avons le plaisir d'accueillir trois invités aujourd'hui. Sylvie Giacchetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes praticienne hospitalière au Sénopole de l'hôpital Saint-Louis à l'APHP. Annabelle Balesta, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse INSERM en médecine personnalisée et chronothérapie des cancers à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Basse-Normandie à Caen avec Damien Daven. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chronobiologiste, professeur à l'Université de Caen, directeur de l'unité mixte de recherche INSERM Université de Caen, une unité qui s'appelle COMET pour mobilité, attention, orientation et chronobiologie. Voilà, vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture et sur notre fil Twitter @laméthodefc. Alors pour commencer, je l'évoquais dans l'introduction de cette émission, mais vous allez me donner votre opinion à ce propos. Est-ce que ce prix Nobel qui vient d'être attribué, c'est le signe de la fin d'un certain ostracisme médical que la chronobiologie a pu subir pendant un certain temps, une sorte de doute du reste de la communauté médicale. Qu'en pensez-vous, Annabelle Balesta ? Oui, tout à fait. Le prix Nobel a clairement changé la donne pour nous qui travaillons dans le domaine de la chronobiologie et la chronothérapie des cancers depuis maintenant plus de 20 ans pour mon équipe. Déjà c'est disons la fin du scepticisme puisque aujourd'hui le prix Nobel a adoubé, on va dire, les chercheurs chronobiologistes comme des chercheurs qui s'intéressent à quelque chose de très important, les rythmes circadiens, les rythmes sur 24 heures. Donc on voit aujourd'hui que les financements de la recherche permettent financent de plus en plus les recherches sur les rythmes circadiens. Et on voit également que des personnalités dans le champ de la chronobiologie, chronothérapie accèdent à des postes. Je peux parler par exemple de l'éditeur en chef du journal Cancer Research, qui est un des plus grands journaux dans la recherche contre le cancer, qui est justement un biologiste qui s'intéresse au rythme circadien. Donc c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément pu voir il y a quelques années, disons avant ce prix Nobel. Comment est-ce que vous expliquez, Sylvie Giacchetti ou Damien Daven, d'ailleurs, cette suspicion qui a longtemps plané sur les travaux et la recherche en chronobiologie? Sylvie Giacchetti, pour commencer. Alors, d'une part, les recherches en chronobiologie sont très chronophages, très longues, beaucoup d'expérimentations, donc beaucoup de nos collègues étaient réticents, ça c'est la première chose. En clinique, là où j'ai mon domaine de prédilection, on était de petites équipes avec le docteur Francis Lévy à s'intéresser au rythme et à la structure circadienne, et donc tout le monde était très sceptique. On n'avait pas beaucoup à l'époque non plus de génomique, donc les gènes de l'horloge au début, moi quand j'ai fait, c'était vraiment de la physiopathologie, donc le rat, on regardait le rat bouger dans sa cage, il n'y avait pas les gènes de l'horloge n'étaient pas encore connus. Donc on se disait, d'accord, la structure circadienne, mais ça ne repose pas sur grand-chose et ça ne peut pas être si important. Donc voilà le retard qui a été pris et les doutes. Damien Daven, votre opinion à ce propos ? Oui, j'abonde. Je pense que ça tient aussi à la complexité de cette science qui est nouvelle. Bon, est-ce qu'il y a eu... Il y a eu un ostracisme du côté de la clinique, ça c'est clair. Je pense que ça tient aussi au fait que les médecins n'ont pas eu du tout d'enseignement dans ce domaine, sauf que très récemment. Et ça tient au fait que... il faut se pencher sur une médecine individuelle, c'est-à-dire chaque patient est particulier, et donc ça c'est des choses tout à fait nouvelles dans le domaine de la clinique. Et on va reparler hein, évidemment de ça et de cette médecine très personnalisée qu'induit la chronobiologie, la chronothérapie, mais peut-être faut-il reprendre les choses depuis le commencement. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de chronobiologie? De quoi s'agit-il, Sylvie Giacchetti? Alors, de chronothérapie, on va faire d'abord la chronothérapie, c'est-à-dire, alors d'abord, vous parlez de médecine personnalisée, c'est en effet, maintenant, ça y est, on est dans l'ère de la médecine personnalisée, il y a eu le congrès de l'ASCO récemment et on l'a vu, l'ère de thérapie ciblée, mais la chronobiologie, donc c'est l'être humain dans son ensemble, mais c'est aussi, par exemple, le premier concept, homme et femme, qui n'était même pas pris en compte dans toutes les études, alors que ça, c'est la première médecine personnalisée, c'est-à-dire se dire un homme est différent d'une femme. Oui, Annabelle, on en avait parlé effectivement ici, on va vous remettre le lien d'ailleurs sur le fil Twitter effectivement, et d'un certain nombre d'études cliniques ou d'essais cliniques qui étaient réalisés sur des populations en grande partie masculines, y compris sur les tests animaux. Oui, Annabelle Vanessa. Oui, donc pour les bases, donc en fait, on a tous des rythmes sur 24 heures, voilà, on est actif pendant le jour, inactif pendant la nuit, mais également la plupart des constantes physiologiques rythment sur 24 heures. Donc ça, c'est dû en fait au système circadien qui est constitué d'un pacemaker central dans le cerveau, donc les noyaux suprachiasmatiques. Suprachiasmatiques parce qu'ils sont au-dessus des nerfs optiques, hein. C'est ça. Voilà. Donc ces noyaux ont des rythmes, ce qu'on appelle endogènes, c'est-à-dire ce sont des rythmes indépendants de l'extérieur. Si on met un homme dans une cave pendant, disons, en obscurité totale pendant plusieurs mois, eh bien, il continuera à garder des rythmes sur à peu près 24 heures. Donc le à peu près est important, c'est-à-dire qu'on a chacun notre période circadienne, c'est-à-dire à peu près 24 heures, mais pas tout à fait. Et c'est la lumière et les interactions sociales aussi qui, en fait, resynchronisent ce pacemaker central dans le cerveau a exactement 24 heures. Ensuite, au niveau des tissus périphériques, donc ce pacemaker central envoie des signaux physiologiques aux cellules de notre corps. Chaque cellule possède une horloge moléculaire, mais celle-ci, si elle ne reçoit pas de synchronisateur, va encore rythmer à une période qui n'est pas tout à fait 24 heures et à une phase qui n'est pas forcément synchronisée avec sa voisine. Donc le pacemaker central est là pour synchroniser toutes les cellules d'un même organe. C'est l'horloge parlante, le grand horloger de l'ensemble de notre corps. Damien Daven, peut-être un mot, à partir de quand est-ce qu'on a commencé à s'intéresser à ces travaux sur les rythmes circadiens, à partir de quand et comment est-ce qu'on a commencé à les identifier surtout? Ça s'est fait en plusieurs périodes. Voilà. Dans la littérature, la première trace écrite, c'est les travaux d'Ortus de Meyran au XVIIIe siècle, qui a montré que dans le règne végétal, hein, chez une plante qui était un mimosa, ce mimosa, quand on le mettait dans une boîte, continuait à déplier ses feuilles, à replier ses feuilles sur un rythme d'à peu près 24 heures, au moins pendant plusieurs jours. Mais ces travaux n'ont pas du tout, bien que publiés dans l'Académie des sciences, qui était toute nouvelle à l'époque, ces travaux n'ont pas du tout eu de succès parce que ils impliquaient que à l'intérieur de la plante, il y ait une horloge. Et ça a fait débat pendant plusieurs siècles. Comment pouvait-on avoir une horloge, et surtout les horloges de l'époque, hein, qui étaient des monstres, hein, c'était énorme pour donner le temps, c'était et donc... On n'avait pas encore la montre à quartz, c'est ce que vous nous dites. On n'avait pas encore la montre à quartz, et c'était inimaginable qu'une horloge qui en général prenait, c'était les horloges qu'on mettait dans les clochers, pour pouvoir donner le temps, on ne pouvait pas imaginer le passage intellectuel entre ces très grosses horloges qu'on commençait à mettre en place, qu'on commençait à créer, et le fait qu'il y ait une horloge dans une cellule, ça c'était absolument inconcevable. Et donc, on peut passer très vite, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de débats. Les travaux ont été reproduits, ça c'était indéniable, mais on les attribuait à beaucoup d'autres influences que simplement une influence interne. Et ça n'est que vraiment au milieu du siècle dernier que ça vraiment qu'on s'est vraiment intéressé au fonctionnement de la cellule et de l'organisme dans son ensemble sur 24 heures et sur des rythmes aussi plus lents, hein, comme les rythmes circa-mensuels ou les rythmes circa-annuels. Mais c'est quand même très très récent comme science, hein. Ça fait partie aussi du fait que bon, on peut déclarer que ça devient vraiment une science reconnue depuis les prix Nobel, comme vous avez commencé l'émission. C'est-à-dire depuis quelques mois. Un mot, Annabelle Ballesta, parce que c'est intéressant, on parle du rythme circadien, et on va certainement se concentrer sur ce rythme-là, mais ça n'est pas le seul rythme chronobiologique de nos corps. Nous en avons un certain nombre, comme vient de le mentionner Damien Daven. Oui, juste pour revenir sur l'historique, la médecine moderne, effectivement, c'est le 18e siècle, mais en fait, la médecine traditionnelle chinoise avait déjà remarqué les rythmes, et ils étaient bien en avance, hein, puisque c'était 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc, juste pour ne pas se centrer uniquement sur l'Europe et les États-Unis. Sortir de l'européocentrisme médical, auquel nous avons tous tendance à céder si facilement. Exactement, voilà. Donc, en termes de rythme, effectivement, les rythmes circadiens, donc c'est sur 24 heures. Donc, ensuite, on a les rythmes infradiens qui vont être d'une période de plus de 24 heures. On peut citer par exemple les rythmes saisonniers, donc les rythmes de floraison des plantes, le rythme de reproduction des animaux. Et puis ensuite, on a les rythmes ultradiens, donc ce sont des rythmes qui ont des périodes inférieures à 24 heures. Donc là, on a par exemple typiquement au niveau intracellulaire, on a des choses comme des oscillations de quantité de protéines sur des périodes autour de 6 heures par exemple. Et on va voir que ça va être important quand on va aborder la partie thérapeutique. Aujourd'hui, Sylvie Giacchetti, quels sont les mécanismes que l'on connaît, que l'on a identifiés autour de ces rythmes circadiens? On sait exactement d'où ils partent, comment ils sont régulés, quels sont les gènes impliqués, quelles sont les hormones qui sont en jeu. Est-ce que vous pouvez nous faire une sorte de tour d'horizon peut-être de ces mécaniques circadiennes, ou enfin vous ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, pas vous faire une je pense que ça peut pas se réduire ça peut pas être si facile de vous donner tous les rythmes, enfin tous les mécanismes de l'horloge circadienne, hein. On sait qu'en effet, eh bien, il y a l'horloge centrale avec maintenant les gènes de l'horloge, hein, qui ont été ça fait plus depuis longtemps, hein, quand même qu'on connaît les gènes bémal. Enfin, on sait maintenant qu'il y a une structure moléculaire, et ça a tout changé. Et qu'il y a un rétro-contrôle, donc il y a une activation d'une boucle, puis un rétro-contrôle de cette boucle. C'est-à-dire, ça c'est intéressant, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer peut-être en quelques mots, les grandes lignes de cette boucle de rétro-contrôle? Parce qu'elle est intéressante et elle sera éclairante pour la suite de nos... Annabelle Ballesta, oui, allez-y. Parce que moi j'ai une formation de mathématicienne. D'accord. Et en fait... rétro-contrôle sur le bout des doigts, allez-y. Voilà, c'est ça. Donc en fait, une boucle de rétro-contrôle, c'est quoi? C'est quelque chose qui va osciller de façon totalement indépendante. Il faut voir ça comme un pendule qui va continuer à bouger de façon... on va dire infini. Et donc en fait, c'est les boucles en général, c'est A qui va activer B, B qui va désactiver C, et puis C qui va désactiver A par exemple. Et donc en fait, en ayant des boucles ainsi, on va avoir des schémas perpétuels d'activation et de désactivation de la production des protéines à l'intérieur de la cellule. Ça veut dire que quand on regarde les niveaux de protéines à l'intérieur de la cellule, ils vont monter, puis descendre, puis monter, puis descendre, et c'est ça qu'on appelle les oscillations. Et quand c'est sur 24 heures, c'est oscillation circadienne. Il faut tout de même dire un mot d'une hormone importante que l'on décrit comme étant l'hormone clé de ces rythmes circadiens, peut-être le métronome, si on peut l'appeler ainsi, Damien Daven, c'est la mélatonine. C'est pas le métronome, c'est un outil qu'utilise l'horloge pour aider à transmettre l'information à l'ensemble de l'organisme. C'est-à-dire que la mélatonine, c'est une belle invention de la biologie, c'est-à-dire que c'est une substance qui permet de détecter l'obscurité. Et l'obscurité, en soi, c'est très compliqué. Le noir, comment le détecter? On peut détecter de la lumière qui est de l'énergie qui arrive dans un système. Bon, il y a l'impact fait qu'on peut transformer cette énergie en afflux nerveux, par exemple, dans la cellule. Alors que l'absence d'énergie, c'est compliqué. Donc, le système a mis en place la mélatonine en l'occurrence, mais il y a d'autres systèmes aussi pour d'autres fonctions. La mélatonine est sécrétée en permanence et elle n'est inhibée que par la lumière. Donc, quand il y a de la lumière, il n'y a pas de sécrétion, et quand il y a absence de lumière, il y a de la sécrétion. Bon, le système est un peu plus complexe, puisqu'il faut qu'elle soit sécrétée à la bonne heure, et donc ça passe par l'horloge centrale qui dit si on peut sécréter ou pas sécréter de la mélatonine. C'est-à-dire que, en fait, ce que ça veut dire, c'est que si vous descendez dans votre cave, dans le noir, en pleine journée, vous n'allez pas sécréter de mélatonine, ou beaucoup moins, en tout cas. Et vous n'allez sécréter de la mélatonine qu'aux horaires de la nuit. Et donc, une fois sécrétée, une fois libérée dans l'organisme, toutes les cellules vont recevoir cette information que c'est la nuit, et donc elles vont pouvoir se mettre en œuvre les mécanismes pour lesquels elles sont programmées pour la nuit. C'est-à-dire qu'elles vont transformer leur mode de fonctionnement pour avoir un fonctionnement nocturne. Et la journée, quand il n'y a pas de mélatonine, elles auront un mode de fonctionnement diurne. Voilà, c'est... Bon, finalement, c'est relativement simple et c'est très efficace. Il y a peut-être aussi dire un mot rapidement d'une autre molécule qui est importante dans ces rythmes circadiens et qui a une sorte de rôle inverse, l'hormone de l'éveil, le cortisol. Est-ce que ça vous paraît signifiant, Damien Daven? Alors le cortisol, oui, je ne sais pas si c'est, on n'en est pas encore complètement sûr que ce soit l'inverse, mais effectivement, les quantités de mélatonine et de cortisol s'inversent dans l'organisme, sans doute. Le cortisol, c'est l'hormone de l'éveil par excellence. C'est l'hormone qui permet d'affronter l'activité diurne. Et donc, elle est sécrétée. On commence à préparer sa sécrétion au milieu de la nuit pour avoir un réveil en pleine forme à une heure donnée. Et affronter toute la journée avec un taux de cortisol qui permet aux cellules d'avoir suffisamment d'énergie pour fonctionner et affronter la vie diurne. Peut-être, Annabelle Balesta. Juste une précision de comment on utilise ces protéines dans la recherche. En fait, la mélatonine, on prend plutôt ça comme un marqueur du pacemaker central dans le cerveau. Par exemple, si on veut aller voir la période endogène d'une personne, est-ce que c'est 25 ou est-ce que c'est 23 heures, on va aller regarder la mélatonine. Par contre, le cortisol, c'est plutôt un messager du pacemaker central vers la périphérie. Donc c'est deux fonctions complètement différentes en fait, et deux marqueurs complètement différents. Peut-être faut-il dire aussi également un mot, puisqu'on parle beaucoup de l'horloge centrale, mais de la découverte des horloges périphériques, c'est-à-dire que si tout cela est réglé, comme vous l'avez dit, par le pacemaker cérébral, chaque organe, quasiment en fait, Annabelle Balesta, a sa propre horloge. Exactement, même chaque cellule en fait. Donc chaque cellule a une horloge. Alors comme je disais tout à l'heure, en l'absence de synchroniseur extérieur, les horloges ne vont pas rythmer avec la même période, ni même avec la même phase. Donc en fait, le synchroniseur extérieur qui est le pacemaker du cerveau, au niveau du cerveau, va faire que au niveau d'un organe, on va avoir à peu près toutes les cellules qui vont rythmer au même moment, qui vont rythmer en synchronie. Donc ça a vraiment un impact, on va en parler tout à l'heure au niveau du cancer, parce que justement, les temps circadiens vont être les mêmes pour toutes les cellules saines. Un mot peut-être, Sylvie Giacchetti, sur ces horloges périphériques. Comment les a-t-on découvertes? Comment s'est-on rendu compte précisément que tout ne réagissait pas et n'était pas rythmé de la même façon? En fait, on s'est pas aperçu chez le patient, hein. On s'est aperçu, c'est de la recherche fondamentale, hein. C'est à partir de foies, par exemple, isolées où on s'est aperçu, ben, en effet, quand il n'y avait pas de synchroniseur central, eh bien, quand même, les cellules n'avaient pas un rythme plat. On a suivi donc des protéines, hein, comme le dit Annabelle, et on a regardé si ces protéines étaient sécrétées de façon constante dans le nictémère, hein, dans les 24 heures. Donc, c'est parti vraiment de la cellule et puis des expérimentations animales. Et ça a été une grande découverte, hein, que de savoir, on parle toujours là du prix Nobel, mais de savoir qu'il y avait comme ça, que chaque organe avait son propre rythme, chaque cellule son propre rythme, et qu'on pouvait travailler aussi en dehors du noyau suprachiasmatique et que... C'est-à-dire du pacemaker central. Du pacemaker central. Parce que ça, c'était très limitant. Dans toutes nos recherches, en fait, ça a été très limitant, ce pacemaker central. Alors que de savoir qu'en fait, finalement, chaque organe est rythmé, notamment pour nous, qui allons traiter des patientes et que donc nous allons intégrer des patients avec des métastases hépatiques, des métastases osseuses et des cancers différents, et bien intégrer que il y a vraiment des rythmes dans chaque organe et comme le dit Annabelle, dans chaque cellule, ça a complètement changé notre vision des choses. Et on va en reparler dans un instant. J'aimerais peut-être juste dire un dernier mot, vous demander un dernier mot peut-être, Damien Daven, sur ce prix Nobel, ces mécanismes moléculaires qui gèrent les rythmes circadiens. Est-ce que c'est ce dont vient de parler Annabelle Balesta, c'est-à-dire le rythme justement de production des protéines en fonction d'une certaine heure du jour et de la nuit? Oui, tout à fait. Ils ont stabilisé le système qui a été découvert par un ensemble de chercheurs qui, dans la fin du siècle dernier, ils ont aussi montré comment l'environnement venait synchroniser ce système central, c'est-à-dire comment le passage dans les boucles de rétroaction qui sont, comme ça a été expliqué tout à l'heure, un système perpétuel, comment l'environnement et notamment la lumière vient impacter à des moments bien donnés, bien précis, le système pour que le système se mette en marche vraiment sur 24 heures. Je voudrais ajouter sur la philosophie générale du système, mm-hmm. c'est-à-dire que on ne pourrait pas concevoir un ordinateur sans qu'à l'intérieur il y ait un système qui donne le temps. Hein, si l'organisation temporelle de n'importe quelle activité, c'est une évidence. Et pendant des siècles, on a négligé ça dans la biologie. Mais je pense que la biologie ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas ce système temporel qui est là pour organiser les fonctions des cellules. Donc c'est pas du tout. C'est tout à fait normal de retrouver ça dans chaque cellule. Ce qui est, de mon point de vue, assez anormal, c'est qu'on ait mis plusieurs siècles pour le découvrir. Voilà. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, l'heure tourne, puisque nous parlons de chronobiologie tout au long de 7 heures, en compagnie de Sylvie Giacchetti, Annabelle Balestaille en duplex avec nous, depuis les studios de France Bleu Basse-Normandie, d'Amiens, d'Avesnes. Peut-être peut-on dire un mot avant de rentrer dans les problèmes liés au traitement et à la chronothérapie à proprement parler, des dérèglements de ces rythmes biologiques, parce que on commence à apercevoir que certains troubles, certaines pathologies peuvent être liées, ou il peut y avoir des corrélations, en tout cas, entre le dérèglement de ces rythmes, quels qu'ils soient circadiens ou périphériques, et certaines pathologies. Annabelle Balesta. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, le mode de vie moderne fait que le système circadien est de plus en plus perturbé. Donc on peut parler déjà de la lumière. Donc l'exposition à la lumière bleue au moment où on ne devrait pas la voir. C'est-à-dire les écrans, hein, typiquement. Exactement. Les écrans de téléphone portable, l'ordinateur de télévision. Voilà, exactement. Donc les écrans, les téléphones portables. Donc ça a tendance à tout simplement perturber le système circadien. Et alors, pourquoi est-ce que c'est mauvais ? Parce que déjà, on a vu que chez les personnes saines, ça augmentait l'incidence de cancer, la perturbation du système circadien. Et puis, chez le patient cancéreux, on a vu que c'était associé avec une moins bonne qualité de vie. Que le patient décrit lui-même la qualité de vie, et aussi une moins bonne survie des patients cancéreux. Donc aujourd'hui, c'est clairement un problème de santé publique, et donc il y a quand même un impact économique, parce qu'en fait, une autre chose qui perturbe le système circadien, c'est le travail posté, c'est-à-dire... Oui. Les 3-8. Exactement. Donc, voilà, les gens qui changent de rythme en permanence, et dont, chez qui on constate effectivement un surcroît d'un certain nombre de pathologies et de certain nombre de troubles. Exactement, donc on peut parler des infirmières, on peut parler des hôtesses dans les avions. Des cheminots, par exemple, c'est d'actualité. Exactement, et parfois juste même le travail de nuit peut être en fait considéré comme une perturbation, parce que les jours où on ne travaille pas, on a tendance, par exemple si on a des enfants, à être actif le jour et pas la nuit. Donc c'est ce changement qui est un problème. Et donc c'est l'agence française qui a donc noté la disruption, donc la perturbation du système circadien comme probablement cancérigène. L'ANSES. L'ANSES, oui. L'Agence nationale de sécurité, on va le retrouver. Ouais. Peu importe, je vais le retrouver dans quelques instants. Damien Daven, sur ces perturbations des rythmes chronobiologiques chez les travailleurs postés, c'est toujours très difficile d'avoir des études épidémiologiques qui pointent dans ces troubles qui sont souvent multifactoriels un seul facteur comme étant le facteur. On peut néanmoins trouver une recrudescence, une surexposition à un certain nombre de risques en termes de santé, de biologie, etc. Oui. Tout à fait, mais ça vient confirmer le système. L'horloge, elle sert à anticiper, à prévoir le système, et l'horloge, elle fait que l'organisme doit fonctionner en harmonie. On prend souvent dans en chronobiologie, on fait l'analogie avec un orchestre. Hein. Si tous les organes, toutes les grandes fonctions de l'organisme jouent sur un bon tempo, on a quelque chose qui est harmonieux, qui est sympa à entendre, etc. Si au contraire, on a des dissociations dans les instruments qui peuvent être assimilables aux organes de l'être humain, eh bien, on va avoir de la cacophonie, et cette cacophonie c'est de la pathologie. C'est potentiellement des organes qui fonctionnent pas au bon moment, et donc qui vont pas être en synergie avec les autres, qui vont pas produire ce qu'il faut au bon moment. Je peux parler du sommeil, par exemple. Si on se met à dormir le jour et être actif la nuit, le sommeil va pas remplir sa fonction, par exemple. Hein, c'est pour être voilà. Donc Dès que l'horloge n'a plus la main mise sur l'ensemble de l'organisme parce que pour des raisons X ou Y, et le travail posté en est une flagrante, eh bien, il va y avoir de la cacophonie dans l'organisme et donc certains organes vont se mettre à dysfonctionner jusqu'à des états pathologiques. On peut pousser un peu plus loin. Certains collègues disent que ce dysfonctionnement, s'ils sont trop récurrents, il faut qu'ils demandent à l'organisme de s'arrêter à un moment ou à un autre. Et ça peut être des grosses pathologies comme le cancer ou d'autres maladies métaboliques. Voilà. On a des études, Sylvie Giacchetti, on a des études épidémiologiques qui montrent vraiment un surcroît de troubles cancéreux. On peut parler aussi de diabète de type 2, par exemple. Alors plutôt de cancer, parce que c'est votre spécialité. Oui. En effet, on a des grandes études épidémiologiques. Hein. Il y a les nurse studies qui ont été, c'est des grosses études américaines où les infirmières ont été suivies pendant de nombreuses années. Hein. C'est un suivi sur des cohortes très très importantes. Des cohortes vraiment de plus de 10 000 infirmières suivies pendant plus de 30 ans. Donc vraiment, on a cette cohorte, elle nous sert à tous de modèle. Elle est publiée, republiée. Il y a l'étude Cécile en France. Et il y a des méta-analyses. Alors, toutes montrent qu'il y a une augmentation du risque de cancer du sein. Hein, je me suis plus particulièrement intéressée au cancer du sein dans ces cohortes. Alors, ce qui est vraiment épatant, c'est que la durée du travail posté est très importante. Ce qui devrait nous faire, c'est-à-dire que le risque, il n'est pas dès le début, il apparaît au bout d'un moment dans toutes ces études, ce qui devrait nous faire réfléchir sur l'organisation du travail, hein, notamment dans les hôpitaux. Est-ce qu'il faut qu'on continue à faire travailler pendant 30 ans une infirmière de nuit ou est-ce que plutôt, il y a un moment où il va falloir quand même partager ce travail de nuit qui est obligatoire hein, de toute façon et essayer de minimiser en fait la désynchronisation. Mais en effet, maintenant, c'est rentré hein, dans l'OMS, donc c'est un facteur de risque qu'il va falloir de façon sociétale partager pour que ce facteur diminue. Chez les infirmières et chez tous les autres travailleurs qui sont soumis à ces cadences, peut-être un mot, est-ce qu'on connaît aujourd'hui les mécanismes physiologiques qui sont à l'œuvre quand l'horloge chronobiologique se dérègle, ce qui conduit précisément à l'apparition de ce type de pathologie comme le cancer Damien Daven? Par rapport au cancer, moi, j'aurais tendance à dire que c'est les mécanismes qui sont de l'environnement du dérèglement des cellules cancéreuses qui ne jouent plus leur rôle parce qu'ils sont plus en synchronisation, ils se déclenchent peut-être plus au bon moment. L'état physiologique général a d'autres choses, peut-être d'autres chats à fouetter, et donc les cellules cancéreuses peuvent se développer de manière sans contre-pouvoir. Je pense que c'est l'organisme lâche sa résistance parce que justement il est plus dans un état synchronisé optimal. C'est-à-dire que qu'il y a de cette mais les mécanismes plus physiologiques, je ne sais pas, je les connais pas. On va demander à Annabelle Balesta, vous avez quelques études où il y a des études qui ont été faites qui peuvent expliquer comment les dérèglements de l'horloge chronobiologique amènent à un surcroît de cancer ou à des développements de mécanismes cancéreux. Ouais, donc c'est on va dire c'est très récent comme type d'étude et on n'a pas encore beaucoup d'études moléculaires, c'est-à-dire exactement quelle protéine va induire une plus grande incidence des cancers. Mais par contre, on reproduit déjà ça chez l'animal, c'est-à-dire quand on va perturber l'animal, on va avoir une plus grande incidence disons, un plus grand nombre de tumeurs qui se développent quand on l'expose à un carcinogène. Et aussi, quand on a une tumeur dans l'animal, si on le met en jet lag artificiel, la tumeur va grossir plus vite. C'est-à-dire que ce serait une influence sur les systèmes de défense immunitaire? Peut-être. En fait, on n'a pas tout débricolé. Hein. On détruit chez le rat le noyau suprachiasmatique. On revient après donc le week-end. Donc la partie dans le cerveau encore voilà, une fois qui règle. Voilà, l'horloge centrale. Et on s'aperçoit, c'est comme ça que c'est parti. Par exemple, chez l'animal de laboratoire, la tumeur, elle grossit plus. Alors par quoi ça passe? Quel est vraiment le fil? Plus de mutations qui ne peuvent pas. Vous savez qu'on a, enfin, beaucoup de nos cellules ont des mutations qui vont à l'apoptose, donc à la mort cellulaire programmée, c'est-à-dire qu'on élimine spontanément beaucoup, beaucoup de nos cellules mutées. Est-ce que dans un système plus désynchronisé, il y aurait une faille là, peut-être, On a peut-être en effet des réponses immunologiques. Hein. On voit que l'immunologie est très à la mode en ce moment, entre guillemets. Mais probablement que de désynchroniser ces systèmes, peut-être lymphocytaires, se réagissent n'importe comment. Donc on n'a pas encore vraiment décrypté exactement sur le plan moléculaire. On n'a pas toute la mécanistique de cette cancérisation quand il y a une désynchronisation. On a la corrélation, on n'a pas encore exactement les... Exactement. On va reparler dans un instant des recherches et notamment de la chronothérapie, c'est-à-dire de voir là ce qui a été effectivement étudié, c'est-à-dire comment et pourquoi administrer des médicaments à une certaine heure du jour ou de la nuit réduit en grande partie la toxicité de ces mêmes médicaments. Restez avec nous. La méthode scientifique, Nicolas Martin. You know the night time. La voix d'Aretha Franklin sur France Culture, The Right Time, le temps juste. Et oui, puisque nous parlons précisément de temps et de temps biologique tout au long de cette heure. Nous parlons de chronobiologie et de chronothérapie. Nous en parlons avec Sylvie Giacchetti, qui est praticienne hospitalière au Sénopôle de l'hôpital Saint-Louis à la PHP, avec Annabelle Balesta, qui est chercheuse INSERM en chronothérapie des cancers à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, et en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu, Basse-Normandie à Caen, avec Damien Daven, qui est chronobiologiste et professeur à l'université de Caen, professeur INSERM également. Alors on va parler d'oncologie dans les minutes qui viennent, mais avant cela on va rester un peu dans le cerveau, bien parce que des corrélations ont également été découvertes entre dérèglements circadiens et maladies neurodégénératives. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé à la rencontre de l'équipe plasticité du cerveau à l'ESPCI qui suspecte une influence de la chronobiologie dans la maladie de Parkinson. Oui, Serge Biéman, qui est directeur de recherche et son équipe gènes, circuits, rythmes et neuropathologie cherche à comprendre les liens entre les gènes, les troubles du rythme circadien et la destruction des neurones. Dans leurs études, ils utilisent la mouche drosophile, qui est un bon animal, pour la recherche médicale. Le principe, c'est de provoquer un stress chez l'animal, un stress qui perturbe l'horloge interne, afin de mettre en évidence les voies neuronales à l'origine de la maladie. Alors les résultats sont encourageants, mais comme toujours, une adaptation pour des essais cliniques chez l'homme reste encore prématurée. Les neurones sont face à beaucoup de situations de stress et souvent le rythme circadien joue un rôle dans la résistance au stress. Et plus on augmente cette résistance au stress, plus les neurones peuvent résister à des conditions pathologiques en réalité. Donc il y a un lien entre stress et résistance à la maladie. Et les neurones dopaminergiques sont particulièrement sensibles au stress. Et nous on s'intéresse à l'effet des gènes du rythme circadien sur la résistance au stress des neurones. Il y a des ponts entre ces deux systèmes qu'on comprend pas très bien encore, qui fait qu'en réalité, le système circadien dans le cerveau, qui est constitué à la fois d'un système génétique, d'oscillateurs qui permettent de rythmer sur la journée, etc., et puis de voies neuronales spécifiques aussi, qui contrôlent tout ça, donc c'est quelque chose d'assez complexe. En réalité, on n'est pas rythmé comme ça, très simplement. Eh bien, lorsqu'on perturbe ça, soit par des méthodes génétiques, soit par des perturbations, comment dire, environnementales, par exemple en empêchant l'animal de dormir ou en décalant son rythme, en faisant un décalage entre le rythme extérieur et son rythme intérieur, eh bien, tout ça provoque des effets néfastes sur la survie des neurones. Et en fait, c'est ça qui nous intéresse. Quel type d'expérimentation vous faites pour justement mettre en évidence ce stress et le dérèglement du rythme circadien? On travaille sur la drosophile, ici c'est pré-symptomatique, avant même que la maladie se déclare. La maladie, vous savez, chez l'homme, la maladie de Parkinson met des années à apparaître. Chez la drosophile c'est pareil, mais la drosophile, l'avantage c'est qu'elle vit beaucoup moins longtemps, 70, 90 jours, quoi, quelque chose comme ça. Et dans les modèles que nous utilisons sur la maladie de Parkinson, les problèmes moteurs, les problèmes locomoteurs, qui ressemblent à ce qu'on trouve chez l'homme, apparaissent aux alentours de 25 jours, 30 jours. Mais qu'est-ce qu'on induit chez les drosophiles à partir d'un certain temps? De quelle manière vous induisez un stress? Une des façons d'induire un stress dans les neurones, c'est d'exprimer des gènes pathogènes qui induisent la maladie chez l'homme. Par exemple, un gène très courant, c'est l'alpha-synucléine, qui joue un rôle central dans la maladie de Parkinson. Une autre façon de faire, c'est de prendre des facteurs environnementaux qui créent la maladie, comme par exemple des drogues pro-oxydantes, comme les pesticides. Mais ce qu'on a montré aussi, c'est qu'on peut, en perturbant certains gènes de rythme circadien, provoquer des symptômes qui ressemblent à la maladie de Parkinson. Ce qui n'est pas clair pour nous, c'est que ce n'est pas forcément un rapport direct avec la fonction circadienne de ces gènes. On n'est pas sûr que ce soit la cause unique ou bien la conséquence de la maladie de Parkinson. Il y a un rapport entre les deux qui est que si on induit la maladie, on va perturber les rythmes. Et si on perturbe les rythmes, on va aussi induire la maladie. Vous avez dans la main un flacon avec plusieurs dizaines de toutes petites drosophiles. Comment vous faites pour les étudier? Vous voyez le corps entier là, et vous voyez la tête, je ne sais pas si vous voyez la tête, avec les yeux. Et donc on étudie leur cerveau, donc ça implique... Une dissection minutieuse. Et avec vos outils d'imagerie, on arrive à visualiser vraiment les niveaux de stress avant et après perturbation? Oui, on a des sondes qui permettent de voir ce qui se passe dans les neurones. De plus en plus de sondes sont disponibles, permettent de savoir comment se sentent les neurones. Avant même qu'on les voit souffrir ou disparaître, on peut voir où en est par exemple, où en sont leurs mitochondries. Les mitochondries sont les petits organites à l'intérieur des cellules qui servent à la respiration et à la production d'énergie. Et on peut voir si ces mitochondries sont en souffrance. Voilà. Donc je m'appelle Céline Petitga, je suis étudiante en thèse en troisième année. On a étudié le sommeil, donc on a un système qui est fait à partir de moniteurs et qui permet de voir l'activité en fait des drosophiles en fonction du jour et de la nuit. Donc c'est un système très simple avec un rayon laser en fait qui va compter le nombre de fois que la drosophile passe devant. Et par exemple sur les drosophiles que j'étudie, donc dans cette maladie, on a trouvé des problèmes plus au niveau du sommeil en fait, elles dorment moins, donc elles sont hyperactives la nuit. Donc il se peut qu'il y ait des problèmes de rythme aussi, mais j'ai pas été encore plus loin pour le moment. Autrement, ce qu'on fait aussi dans l'équipe, c'est de rechercher des facteurs génétiques, des cibles qui permettraient de soigner les personnes avec plus d'efficacité. Et la drosophile est fantastique pour ça, parce qu'on peut faire des cribles, on peut tester en très peu de temps, en trois semaines on peut tester, faire des expériences cruciales, etc. Mais après, la difficulté c'est plus de transférer ça à d'autres modèles. L'appliquer à la médecine. Oui, ça, c'est pour nous qui sommes des chercheurs fondamentaux, et c'est très difficile. Et heureusement, on a des collaborations avec l'ICM, avec des choses pour essayer de faire avancer, mais c'est pas toujours facile quoi, de généraliser ce qu'on trouve. Finalement, soigner les drosophiles, c'est pas si compliqué, mais comment appliquer ça après à l'homme, c'est le futur qui le dira. Oui, de la drosophile à l'homme, il n'y a qu'un pas, mais c'est un grand pas. Donc c'est souvent compliqué de passer de l'un à l'autre. Ça demande en tout cas un certain nombre d'étapes. Peut-être une réaction les uns les autres à ce que vous venez d'entendre. Sylvie Giacchettien, Abel Balesta peut-être, sur ce reportage, sur les liens qu'il peut y avoir. On a l'impression qu'on est en train de défricher un continent tout de même. Enfin, qu'on est en train d'arriver au début et de se rendre compte de l'influence que peuvent avoir les dérèglements de ces rythmes-là sur le cerveau, en l'occurrence dans la maladie de Parkinson, mais ainsi que sur d'autres types d'affections. Oui, tout à fait. Donc, la plupart des grandes fonctions physiologiques de l'organisme sont rythmées sur 24 heures, on peut imaginer un effet de l'heure d'administration ou de l'heure d'administration d'un médicament ou de l'heure de la chirurgie pour quasiment toutes les pathologies en fait. Donc là, c'est un exemple sur Parkinson. On a eu récemment un exemple dans les maladies cardiovasculaires avec des chirurgies cardiaque, donc remplacement de valve aortique. Donc c'est une étude française menée au CHU de Lille, donc très récemment publiée dans la prestigieuse revue The Lancet. Mm-hmm. Donc en fait, on voit que les chirurgies qui se passent l'après-midi, donc les patients développent beaucoup moins de complications après la chirurgie. Oui. Exactement, comparé au matin. Et les chiffres sont quand même assez édifiants, puisque on a à peu près 8% de patients qui développent des complications quand ils sont opérés l'après-midi et 15% quand ils sont opérés le matin. Donc du simple au double. Ce qui est évidemment statistiquement assez significatif. Damien Daven, sur ce reportage, sur plus généralement les débuts de corrélation que l'on commence à établir autour de ces perturbations des rythmes chronobiologiques. Voilà. Ces travaux sont très intéressants parce qu'ils montrent vraiment un effet direct de la perturbation des mécanismes qui pilotent l'organisation temporelle chez la drosophile et les pathologies qui sont derrière. Parce que jusqu'à présent, dans ces pathologies neurologiques, il y a des évidences et même des syndromes qu'on appelle prodromaux, c'est-à-dire avant que la maladie n'apparaisse, on a des symptômes qui montrent que les systèmes périphériques sont déréglés. Dans la maladie de Parkinson, on a par exemple des problèmes de troubles pendant le sommeil paradoxal. Hein, donc le rythme veille-sommeil est un des rythmes majeurs hein, dans l'organisation temporelle de l'homme. Dans la maladie d'Alzheimer, on a souvent des inversions parfois plusieurs dizaines d'années avant que la maladie se déclare vraiment. On a des inversions de cycle, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui se mettent à vivre la nuit et à plus dormir le jour. On pourrait citer comme ça dans beaucoup de pathologies neurologiques des symptômes, des dérèglements, des grandes fonctions chronobiologiques. Mais jusqu'à présent, on ne savait pas si quelle était l'œuf, quelle était la poule. Donc ce qu'on a entendu dans le reportage, c'est vraiment montrer que si on dérègle l'horloge, derrière, tous dérèglent et conduit à des pathologies qui peuvent être relativement graves. Après, il y a encore beaucoup de travail, comme l'a dit notre collègue, hein, il y a encore beaucoup de travail avant de passer de la drosophile à l'homme. Mais on ne l'a pas dit au début, mais les travaux qui ont le prix Nobel ont été faits sur la drosophile. Hein. C'est tout le champ scientifique qui en est récompensé. Voilà. J'aimerais qu'on passe, puisqu'il nous reste un peu moins d'un quart d'heure, à la partie thérapie et aux applications concrètes, puisque Sylvie Giacchetti, en oncologie, on sait et on a constaté depuis un certain temps qu'effectivement, les patients réagissaient différemment en fonction de l'heure d'administration de leur traitement. Oui, donc ça, nous, évidemment, chronothérapeutes, on le sait depuis longtemps. Un certain nombre de molécules ont été développées grâce à la chronothérapie, hein, notamment, par exemple, pour citer l'oxaliplatine, qui est la drogue majeure, enfin, la drogue, quand on dit drogue, hein, nous, ça veut dire molécules oui. Et médicaments, qui est la molécule majeure de traitement du cancer du côlon, qui allait pratiquement être jetée à la poubelle. Hein, et l'équipe de chrono de Paul Broos, à l'époque, j'étais à Paul Broos, on l'a un peu enlevé du chapeau en donnant cette molécule qui était mal tolérée, en la donnant à un horaire de meilleur, enfin au meilleur l'heure optimale. On détermine l'heure optimale chez la souris, souvent chez la souris mâle. Toutes nos expérimentations ont été réalisées à l'époque chez les souris mâles. On donne, alors ça c'est très chronophage en effet, hein, les chercheurs, les PhD chrono, ils aiment pas trop. Il faut donner de la molécule à plusieurs, on détermine plusieurs horaires et on injecte au rat. On voit sa perte de poids, sa mort, ou la diminution de la tumeur. Et on extrapole à l'homme. Vous savez que le rat est inversé, donc on rajoute plus 12 heures. L'homme est un rat plus 12, donc on rajoute... L'homme est un rat plus 12, on s'en souviendra, d'accord. On rajoute donc 12 heures. Et on a fait des études cliniques à partir de là, plus grande tolérabilité, les mécanismes qui font que la tolérance d'un médicament est souvent à l'heure, la même heure où le médicament est le plus efficace. Alors qu'est-ce qu'on sait exactement, parce que on peut rentrer un peu dans les mécanismes biologiques qui sont derrière ces chronothérapies. Il y a l'importance du rôle du foie, par exemple, dans l'élimination d'une partie de la toxicité. Comment est-ce que vous l'expliquez, Sylvie Giacchetti? Bah pareil, hein, il y a les mécanismes, par exemple la DPD. On regarde actuellement, il y a des rythmes de tous ces enzymes et de tous ces systèmes de détoxification. Donc c'est évident que selon le pic d'activation d'une enzyme, elle va détoxifier différemment. Concrètement, donnez-nous un exemple, par exemple, je ne sais pas, Deur ou Annabelle Balesta. Oui, donc par exemple, on a fait une étude sur l'irinotécan, qui est un des médicaments donnés actuellement contre les cancers digestifs, cancer colorectal, cancer du pancréas. Donc on a donné l'irinotécan à différentes heures tout au long des 24 heures. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que en fait, déjà, les heures optimales sont extrêmement différentes entre les hommes et les femmes. Donc en fait pour les femmes la meilleure heure était l'après-midi, entre 1h et 5h de l'après-midi, et on avait à peu près 0%, enfin donc c'est-à-dire très très peu de patientes qui développaient des toxicités graves hématologiques, donc cellules du sang. Par contre la pire heure pour les femmes c'était 9h du matin, et là on avait 40% de patientes qui développaient des toxicités graves hématologiques. Pour les hommes c'est l'inverse, c'est le matin, c'est entre 5h et 9h du matin, là on a que 10% des hommes avec toxicité grave, et 1h du matin, c'est la pire heure pour les hommes, avec 35% de patients ayant des toxicités. Vous travaillez dans l'unité du docteur Francis Lévy, hein, qui est l'une des unités de Paul Brousse, travaille, où vous travaillez. Mais ça, c'est vrai pour tout. Ça veut dire on revient par exemple sur le. Bon, on a plus travaillé, on a plus de phases d'essais cliniques. On en a de gros essais cliniques de phase 3. Il y avait même à une époque un groupe de chronothérapie à l'ORTC, hein, qui est le grand organisme européen, qui après a plus trop cru. Peut-être qu'on va en revoir un jour. Alors, on a beaucoup travaillé dans le côlon, en effet. Les mécanismes, on est en train, là encore, de la détoxification. On resynchronise aussi. Il y a probablement... On a parlé qui est qui, c'est-à-dire la poule, l'œuf. En traitant à la meilleure heure, probablement sur les tumeurs, c'est désynchronisé. Hein, si on enregistre On peut le dire, hein, les tumeurs, effectivement, les cellules tumorales sont totalement désynchronisées, voilà. Là où les cellules saines sont synchronisées. Voilà. Donc, du coup, de facto, en administrant à une certaine heure, on permet aux médicaments d'agir essentiellement sur les cellules tumorales désynchronisées et pas sur les cellules tumorales non tumorales qui le sont. Et peut-être qu'on resynchronise, c'est-à-dire que l'un des mécanismes, les cellules sont désynchronisées, si on le donne à la meilleure heure, probablement qu'on resynchronise, voire tout l'être humain est resynchronisé. On constate que chrono-efficacité et chronotoxicité vont souvent ensemble. Et juste pour revenir sur le cancer du sein, qui est maintenant quand même ma pathologie depuis longtemps de prédilection, l'hormonothérapie, 75% des cancers du sein, 59 000 nouveaux cas par an, 75% de ces patientes, voire 80%, vont prendre de l'hormonothérapie, et on ne sait pas quelle est la meilleure heure. C'est-à-dire que les patientes, elles nous disent quelle est l'heure où je dois prendre ce médicament. Eh bien, on ne sait pas. Alors on est en train de lancer, on va avoir dans les études, au moins l'heure va être notée, mais on a un retard fou sur ce plan-là et on pourrait améliorer la tolérance de toutes ces patientes. Damien David, un mot peut-être sur les mécanismes cellulaires, parce qu'on parle donc de ces cellules tumorales qui sont désynchronisées par rapport aux cellules saines. Pourquoi est-ce que administrer à une heure, d'ailleurs quelle est la bonne heure, qu'est-ce qui détermine que c'est la bonne heure, et pourquoi est-ce que ça protège les cellules saines? Alors bon, c'est chaque cas est particulier en fonction du mode d'action du médicament. Moi, ce que je voudrais préciser quand même insister sur le fait que chaque médicament doit avoir une heure d'administration. Pour l'instant, on administre les médicaments matin, midi et soir, parce qu'en gros, on veut pas que ça fasse des trous dans l'estomac, en gros. Hein, mais à part ça, on ne sait pas à quelle heure il faut administrer toutes les molécules qu'on prend de manière exogène. Et ça, il y a un énorme travail à faire de ce côté-là. Bon, pour l'instant, les compagnies pharmaceutiques sont extrêmement réticentes, parce que, comme on l'a dit, c'est des travaux de recherche qui sont très longs et qui chronophages, sont très onéreux. Hein. Très chronophages et surtout très onéreux. Donc, s'il n'y a pas de demande d'AMN, d'autorisation de mise sur le marché, avant l'autorisation de mise sur le marché, s'il n'y a pas de demande pour savoir à quelle heure administrer le médicament, les compagnies vont pas insister de ce côté-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui complexifie encore les choses, c'est que chaque individu n'est pas calé de la même façon sur l'échelle du temps. On a On est du matin, on est du soir, hein, pour faire et donc l'heure d'administration du médicament va devoir être faite en fonction de cette chronotypologie. Et donc ça demande à ce qu'on puisse connaître la chronotypologie du patient qu'on a en face de nous. Et pour l'instant, on n'a pas énormément d'outils qui nous permettent, de manière relativement simple, du moins dans le cabinet du médecin, de connaître cette chronotypologie. Et ça, c'est aussi un frein au développement de ce type d'études. Annabelle Ballester. Oui, donc pour compléter sur l'aspect cellulaire et moléculaire, donc, comme on disait au début, toutes les cellules saines sont synchronisées entre elles. Au contraire, les cellules cancéreuses échappent au contrôle circadien du pacemaker et d'un point de vue unicellulaire, les horloges sont très souvent cassées, c'est-à-dire qu'on ne voit plus d'oscillation dans les gènes de l'horloge au niveau de la cellule cancéreuse. Donc de production, de pics de production de protéines, etc. Exactement, On voit plutôt des choses plates. Alors ça nous donne une différence temporelle entre le tissu sain et le tissu cancéreux. Et c'est cette différence temporelle qui va nous permettre en fait de cibler précisément les cellules cancéreuses en donnant la chronothérapie au moment où les cellules saines sont le plus protégées. C'est-à-dire qu'elle diffuse le plus de protéines de protection qui va permettre justement de liser un certain nombre de médicaments qui pourraient leur être toxiques. Ça dépend de chaque ça dépend de chaque médicament. Mais si je prends par exemple comme exemple l'irinotécan, donc ça c'est la molécule sur laquelle on a travaillé. Ce qu'on a vu en culture des cellules, c'était que les mécanismes moléculaires importants, ce sont en fait les phases d'activation et de désactivation qui ont lieu en fait de façon consécutive. Le médicament est activé puis désactivé et donc ça fait intervenir deux enzymes différentes. Et en fait, ce sont ces rythmes circadiens sur 24 heures qui vont ensuite permettre aux cellules saines d'être protégées à certains moments puisqu'elles ne vont pas activer le médicament et elles vont le désactiver très fortement. Et c'est à ce moment-là, quand les cellules saines sont protégées, qu'il faut taper pour viser les cellules cancéreuses. Et on arrive en un mot pour conclure, Sylvie Giacchetti, vraiment à des taux de diminution de la toxicité qui sont parfois jusqu'à 5 fois plus importantes. Donc ça veut dire des effets secondaires très très nettement inférieurs et donc vraiment un bien-être très largement quantifiable pour le patient. Non seulement un bien-être, bien sûr, 5 fois, voire plus. Et puis aussi, à ce moment-là, on peut peut-être augmenter les doses parce que vous savez quand même que notre but, c'est de faire disparaître le cancer et les métastases quand il y en a. Et donc notre idée, et c'est comme ça qu'on a aussi réussi, c'est moins de toxicité, augmentation de la dose intensité de pousser vraiment les médicaments. Et on s'est aperçu, alors c'est là qu'intervient l'homme et la femme, on s'est aperçu que, par exemple, les femmes ont des amplitudes de toxicité beaucoup plus, et d'horaires beaucoup plus grandes, et que entre, comme le disait Annabelle, entre le moment de moindre toxicité et de plus grande toxicité, c'est juste à côté, avec une très grande amplitude. Et donc, il ne faut pas se tromper, parce qu'on peut être délétère, pratiquement, en augmentant nos doses. Donc, on est vraiment au début. Moi, je crois beaucoup, peut-être Annabelle peut dire en mots, peut-être, il y a tellement de données de gènes, que la modélisation de tout ça, et nous permettre de déterminer pour chaque individu, leur optimale, c'est probablement un futur qui n'est pas si loin. Mais à 16h53, on va parler précisément du futur et du futur de la recherche. Vous allez voir précisément que, comme tous les mercredis, nous accueillons autour de la table des étudiants qui viennent nous expliquer en quelques minutes leur domaine de recherche. Aujourd'hui, on va rester dans le sujet puisque nous avons le plaisir d'accueillir Floriane Pasquier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en thèse à l'UFR STAPS-CAN dans l'unité UMR 1075 COMET dont provient Damien Daven. Bienvenue à la recherche montre en main, c'est à vous. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité à votre émission. Donc, je vais vous présenter le sujet de ma thèse sur laquelle je travaille depuis donc un peu plus d'un an et demi au laboratoire COMET à Caen. Donc, pour contextualiser mon sujet de recherche, je vais reprendre plusieurs éléments dont vous avez déjà parlé dans votre émission. Donc, au quotidien, l'être humain, il est actif le jour et il se repose la nuit. Et en fait, cette alternance activité-repos, elle est due à l'activité de deux petits noyaux qui sont situés dans le cerveau. Et le rôle donc, de ces noyaux dans la genèse des rythmes biologiques, il a été notamment démontré lors d'expériences d'isolement temporel. Alors, un exemple assez connu sont les expériences de Michel Siffre, et notamment une expérience dans laquelle il s'est isolé pendant près de 2 mois dans une grotte, dans laquelle il était privé de toute information du temps qui passe. Donc, pas de lumière, pas d'horloge. Et donc ces expériences, elles ont permis de montrer que l'alternance activité-repos, elle persiste même en l'absence de donneurs temporels. Et que le rythme naturel de l'homme serait en moyenne de 24 heures et 30 minutes, et non pas de 24 heures, qui correspond à la durée du cycle jour-nuit et qui aussi la durée sur laquelle s'organisent les activités humaines. Donc notre cerveau, il va avoir besoin de d'autres informations extérieures pour être synchronisé sur une période de 24 heures précise. Et donc un des synchroniseurs les plus connus et aussi les plus puissants, c'est notamment la lumière, mais il y a également les activités sociales ou encore les activités physiques. Donc une des idées qui a émergé dans la littérature scientifique et qui a intéressé plusieurs chercheurs du laboratoire Comet, c'est que lorsque l'on bouge au cours de la journée ou quand on fait une activité physique, on va également bouger la tête. On la penche, on la tourne. Et tous ces mouvements vont en fait stimuler un récepteur sensoriel qui est situé au fond de notre oreille interne. Et il s'agit du système vestibulaire. Donc ce système, donc, il permet de détecter les mouvements de la tête et il va être de ce fait très sollicité la journée et très peu la nuit. Donc ce récepteur, il jouerait lui aussi un rôle dans la synchronisation des rythmes biologiques. Il y a également des liens anatomiques entre le système vestibulaire et les noyaux dont vous avez parlé tout à l'heure qui génèrent les rythmes biologiques. Et puis il y a également des expériences qui ont été menées donc, chez des animaux sur lesquels on va léser le système vestibulaire ou chez des hommes qui ont naturellement une déficience du système vestibulaire qui montrent que suite à une lésion ou à une déficience de ce récepteur sensoriel, on va observer une perturbation des rythmes biologiques. Donc le travail de ma thèse, il s'inscrit dans la continuité en fait de ces travaux sur le rôle du système vestibulaire en tant que potentiel synchroniseur des rythmes biologiques. On souhaiterait maintenant tester l'effet d'une stimulation artificielle du système vestibulaire sur les rythmes biologiques et notamment sur le rythme veille-sommeil. Donc à long terme, l'objectif de cette recherche, ce serait de développer une thérapie utilisable en milieu clinique qui permettrait d'aider les personnes qui sont atteintes de troubles du sommeil. Donc pour réaliser cette stimulation, on pourrait bouger la tête de nos participants, mais ce n'est pas la méthode la plus simple à mettre en place. Donc on a choisi de stimuler grâce à un courant électrique que l'on applique en fait avec des électrodes, que l'on place sur la partie osseuse derrière les oreilles. Et on va diffuser donc un courant de très faible ampérage pendant une vingtaine de minutes, ce qui nous permet de stimuler directement le nerf vestibulaire. Et donc on va ensuite mesurer les effets de cette stimulation sur le rythme activité-repos grâce à un suivi actimétrique. Donc nos participants vont porter un bracelet actimétrique sur leur poignet non dominant, ça ressemble en fait à une montre, qui va mesurer le nombre de fois où la personne bouge son poignet au cours de la journée, mais également au cours de la nuit. Et cette mesure, elle est complétée également par un agenda du sommeil que les participants complètent quotidiennement. Et donc pour le moment, on a un protocole expérimental en cours et on attend les résultats donc cet automne. Merci beaucoup Floriane Pasquier. Peut-être un mot sur ces recherches, ce que vous venez d'entendre. Je ne vais pas demander à Damien Daven puisque c'est le même laboratoire, Sylvie Giacchetti. Par exemple, vous savez qu'actuellement l'activité physique a montré en effet, notamment dans le cancer du sein, je reviens toujours, a montré une diminution de la toxicité de nos chimiothérapies, voire une augmentation de la survie avec une diminution des rechutes. L'activité physique chez les femmes actuellement, nous on en fait faire par exemple à Saint-Louis et je suis entre guillemets, on va lancer une étude pour savoir si c'est par la resynchronisation ou pour partie, c'est peut-être pas le seul mécanisme, que ces patientes vont mieux, supportent mieux leur traitement et ont moins de rechutes. Voilà, bien dormir et faire de l'activité physique quand on est malade, ça marche toujours. Mais par ailleurs, merci beaucoup en tout cas à tous les quatre d'être venus nous parler de cette chronothérapie, des progrès que l'on fait aujourd'hui dans la recherche en chronobiologie. Merci Sylvie Giacchetti, merci Annabelle Balesta, merci Floriane Pasquier, merci à Damien Daven et à nos camarades de France Bleu Basse-Normandie à Caen pour le duplex. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lozen, Sarah Igemans, Elisabeth Miro à la réalisation, Florent Bujon à la technique, la suite de vos aventures sur France Culture. Dans un instant, c'est le troisième LSD de la semaine, oui, la série documentaire Masculin, est-ce ainsi que les hommes se vivent, par Juliette Boutillier et Vincent Deck. Tout à l'heure, après le journal de 18h dans Du Grain à Moudre, Hervé Gardat demandera si le foot va tuer la télé à ses invités. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous parlerons des liens entre la recherche fondamentale et l'armée. Quels projets sont financés, quels sont les intérêts des militaires et pour quel secteur de la recherche. On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.